Une femme d'argent, de Hector Malo. Chapitre 1. Après avoir occupé une des premières places à la tête de la banque parisienne pendant la Restauration et sous le règne de Louis-Philippe, la maison Charlemont avait vu son importance s'amoindrir assez vite lorsque de la direction de Hyacinthe Charlemont, elle était passée sous celle d'Amédée Charlemont, fils de son fondateur. C'était toujours la même maison cependant, le même nom, mais ce n'était plus du tout le même homme. Et si le fils succédait au père en vertu du droit d'héritage, il ne le remplaçait pas. Né dans une famille de pauvres gens des Ardennes, Hyacinthe Charlemont était arrivé à Paris avec 3 francs en poche pour commencer l'apprentissage de la vie dans une boutique de la rue aux Ours. Et c'était de là qu'il était parti pour devenir successivement petit commis dans une maison de banque, caissier, puis directeur de cette maison, régent de la Banque de France, président de la Chambre de commerce de Paris, député, ministre et pair de France. Et partout à sa place, toujours au-dessus de la position qu'il avait conquise à force de travail, de volonté, d'application, d'intelligence, de hardiesse, et aussi jusqu'à un certain point, par des qualités naturelles qui avaient aidé ses efforts, un caractère facile, une humeur gaie, des manières liantes. Mais ce qui plus que tout encore avait fait sa fortune, ça avait été la façon dont il avait compris le rôle que les circonstances lui permettaient de remplir. À une époque où le crédit public existait à peine, il avait largement mis ses capitaux, ceux de sa maison aussi bien que les siens propres, au service de ses idées et de son parti. Et si son parti ne les lui avait pas toujours rendus, il lui en avait au moins payé les intérêts en renommée, si bien que 10 journaux, 20 journaux dont il payait les amendes ou dont il faisait le cautionnement, avaient tous les jours célébré ses mérites et chanté sa gloire. Notre grand financier Charlemont, notre grand citoyen Charlemont, était une phrase qu'on aurait pu clicher dans les imprimeries des journaux libéraux. Comme avec cela, ses rivaux ou ses ennemis étaient obligés de rendre justice à la supériorité en même temps qu'à la droiture avec laquelle ils traitaient les affaires, cette renommée avait été universellement acceptée, et Charlemont était devenu populaire autant pour ses opinions qui étaient celles de la partie la plus remuante du pays, que pour ses richesses, dont il faisait réellement un noble usage, secourant toutes les infortunes, soutenant tout ce qui méritait d'être encouragé, même chez ses adversaires, pour le plaisir de bien faire et sans arrière-pensée d'intérêt personnel. Chose rare, le succès ne l'avait point grisé, et quand Louis-Philippe, à qui il avait rendu des services de toutes sortes, avait voulu les lui payer économiquement en le faisant baron, il avait refusé. « Je mets mon orgueil dans mon humble origine », avait-il répondu à son roi. En effet, bourgeois, il avait été toute sa vie. Bourgeois, il voulait rester. C'était chez lui affaire de coquetterie et de vanité. Le mot « bourgeois » était celui qu'il répétait à tout propos. Il ne voyait rien au-dessus ni au-delà. Ses idées, ses opinions, ses ambitions, son existence avaient été bourgeoises, rien que bourgeoises. Et dans son vaste cabinet de travail, il avait pour toute œuvre d'art un grand dessin, splendidement encadré, qui résumait bien ses goûts et ses idées. C'était une copie qu'il avait fait faire par un homme de talent du banquet de la garde civique, ce tableau célèbre du musée d'Amsterdam, dans lequel Van der Helst a peint de grandeur nature une 30aine de bourgeois à table, où les différents types du bourgeois sont fidèlement représentés avec toute leur vigueur et aussi toute leur vulgarité. Grands, solides, bien nourris, contents de la vie et d'eux-mêmes, au caractère énergique, laborieux, avisés, audacieux et prudents, aventureux et timides, aussi durs à soi-même qu'à autrui. Pour lui, c'était là des ancêtres dans lesquels il se retrouvait avec un sentiment non avoué qu'il leur était supérieur. Quand le fils avait remplacé le père à la tête de la maison de banque, en ce moment à son apogée, les choses avaient rapidement changé, et la prospérité de la maison, qui sous le père avait été toujours en grandissant, sous le fils avait toujours marché en diminuant. Le vieux Charlemont avait été un homme de travail. Le jeune était un homme de plaisir. Tout enfant, Amédée Charlemont avait eu horreur de tout ce qui pouvait lui donner de la peine, et cette répulsion naturelle n'avait fait que se développer avec les années. Ce n'était point défaut d'intelligence, loin de là, car son esprit était vif et délié, apte à tout comprendre. Mais tout effort l'ennuyait, surtout toute application. Et laissé maître de soi par un père qui avait autre chose en tête que de le surveiller, il avait pris l'habitude de ne faire que ce qui lui plaisait. Et ce qui lui plaisait, c'était la vie facile, brillante et bruyante. Pourquoi se fût-il donné de la peine ou de l'ennui? Puisque son père avait assez travaillé pour plusieurs générations, lui, son fils, n'avait qu'à marcher gaiement dans les chemins bordés de fleurs qu'il lui avait ouverts et à cueillir, quand l'envie lui en prendrait, les fruits mûrs qui s'offraient à sa main. Sa sœur était duchesse, de l'Empire, il est vrai. Lui serait roi du monde où l'on s'amuse. N'était-il pas beau garçon, grand, bien fait, d'allure et de manière distinguée, habile à tous les exercices du corps, assez riche pour ne reculer devant aucune fantaisie, aucune folie? S'il n'avait point conquis cette royauté visée par son ambition de 20 ans, il avait au moins pris place parmi les quelques jeunes hommes qui menaient alors le monde parisien et qui s'efforçaient d'échapper, n'importe comment, à la vie calme et monotone de cette époque bourgeoise. Avec eux, il avait été un des fondateurs du sport en France, et ses couleurs avaient brillé sur les hippodromes de Chantilly et du Champ de Mars, aussi bien que dans les terres labourées de la Croix de Berny. Mais les succès du turf ne lui avaient pas suffi, et il en avait obtenu d'autres dans le monde de la galanterie, où ses aventures avaient bien des fois soulevé de retentissants tapages. Cette existence, longtemps continuée, était une assez mauvaise préparation à la direction d'une maison de l'importance de celle que Hyacinthe Charlemont laissait en mourant à son fils. Aussi l'administration de celui-ci avait-elle été déplorable. Libre de faire ce qu'il voulait, il n'aurait pas hésité à procéder immédiatement à la liquidation de la maison paternelle. Mais cette liquidation eût été un désastre dans lequel eût sombré la meilleure part de sa fortune. Et bon gré mal gré, avec un profond dégoût qu'il ne prenait pas la peine de cacher, il avait dû continuer les affaires commencées par son père, ou plus justement les laisser aller toutes seules. Elles allèrent tout d'abord à peu près, comme si le chef de la maison avait été encore de ce monde, en état de les diriger de sa main sûre. Puis, au bout d'un certain temps, elles s'étaient dévoyées ou ralenties, et malgré la force d'impulsion qui leur avait été imprimée, elles auraient fini par s'arrêter entièrement si un employé, un simple commis, nommé Fourcy, ne s'était trouvé là à point pour les remettre en chemin et suppléer par son zèle, son activité, son intelligence, son dévouement, à l'incurie et à l'impuissance du chef de sa maison. Ce Fourcy, qu'on avait longtemps appelé le petit Jacques, parce qu'il était né dans la maison Charlemont et qu'il y avait grandi, était le fils d'un garçon de recette qui n'avait eu d'autre visée pour son fils que de le voir hériter un jour de sa sacoche et de son portefeuille à chaînette de cuivre. Mais le fils avait eu plus d'ambition que le père. Au lieu de se contenter de l'instruction de l'école primaire que ses parents trouvaient plus que suffisante pour lui, il avait voulu davantage, et prenant sur ses heures de sommeil pour travailler, économisant les sous de son déjeuner pour acheter des livres, partout où il y avait des cours gratuits, il les avait suivis. Mathématiques, comptabilité, histoire, langue française, anglaise, allemande, tout avait été bon pour sa soif d'apprendre. C'était des provisions qu'il emmagasinait dans sa tête, sans s'inquiéter de savoir à quoi il les emploierait plus tard, convaincu seulement qu'à un moment donné, elles lui serviraient. Et de fait, elles lui avaient si bien servi que celui qui ne devait être que garçon de recette était devenu le chef de la maison Charlemont, le continuateur du grand Charlemont, le petit Jacques, Monsieur Fourcy. Et Monsieur Fourcy pour tout le monde, aussi bien pour ses anciens camarades ou ses anciens chefs forcés de subir sa supériorité, que pour les personnages les plus importants de la finance et du commerce qui le traitaient en égal. Chapitre 2.